Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter la guerre des météorites, le deuxième épisode de la saison 2 d'un été incroyable. Bonne écoute. Mamie tricotait sur la terrasse. Avec Arthur et Iliès, on contemplait le jardin en profitant d'un bon bain de soleil. Arthur se leva d'un bond et déclara « Je suis sûr que j'arrive en premier au cerisier !» Alors là, dans tes rêves. Je passe mon tour. T'as peur de perdre? Non, je préfère éviter de vous mettre la pâtée. Et puis, comme ça, il y aura quelqu'un pour donner un vrai top départ. Le rebord de la terrasse servit de ligne de départ. Iliès inspecta nos positions pour être sûr que personne ne volait un centimètre d'avance. À vos marques! Prêt? Partez! On fit tous les deux un départ canon. On était au coude à coude et au moment où je prenais un peu d'avance, mon pied buta sur quelque chose et je m'étalais comme une vieille chaussette. Arthur dérapa, Iliès accourut. Ben alors, tu t'en mêlais les pieds? Très drôle, je suis tombée à cause de ce gros caillou. Brillant comme du papier d'aluminium, granuleux et piqueté de trous. Arthur le ramassa et fit sa tête de découvreur de trésors. Oh, il pèse sacrément lourd. C'est pas du tout un caillou ordinaire. Il y en a un autre là-bas. Iliès ramassa une nouvelle pierre à argenter, puis une autre, plus petite, et une autre. On s'y mit à trois. C'était plus extra qu'une chasse aux œufs. Les bras chargés, on courut voir mamie. En voilà une bien étrange récolte. Je n'ai jamais vu des pierres comme ça. Comment elles sont arrivées dans ton jardin? On va savoir. Je suis sûre que quelqu'un au village sait ce que c'est. Les terrasses de la place du village étaient plus agitées qu'un 14 juillet. Tous les clients racontaient qu'ils avaient trouvé de drôles de pierres dans leur jardin. Soudain, les gloussements porcins des Roitelets, le trio spécialiste en mauvais coups, retentirent derrière nous. Assis sur la fontaine, leur chef avait le nez plongé dans son téléphone. « Ce sont bien des météorites. Même que Bou FM dit que ce serait suite à la nuit des étoiles filantes d'hier. Oh, écoutez ça, ça peut valoir jusqu'à 1000 euros le gramme. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un plan pour mettre la main sur ces trésors. » Il leva les yeux, nous remarqua et fit une tête de sanglier enragé. « Qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça, les losers ?»« Sourire en te regardant, vraiment ?»« Alors, c'est à cause de ce que je viens de dire, pas vrai ?»« Et alors ?»« Alors ce sourire, ça veut dire que vous avez trouvé les pierres. »« Même pas vrai d'abord. Venez les gars, on s'en va. »« Vous inquiétez pas, on découvrira le coin où vous les avez trouvés. » Je savais pas si c'était une menace ou une promesse. Mais sa capacité de déduction nous avait un peu soufflé. On s'éloigna, lentement, et dès que le trio d'affreux ne fut plus en vue, on fonça prévenir mamie, qui s'empressa de sortir sa balance. 442 grammes. Oh, à 1000 euros le gramme, ça fait une sacrée somme. D'après le chef des Roitelets, 1000 euros le gramme, c'est seulement pour celles qui viennent de Mars. Bref. Il faut trouver un expert, et puis un acheteur, et puis c'est pas gagné, quoi. En attendant, on doit immortaliser le moment. On fit une pyramide de météorites, et l'instant d'après, clic-bzzzt, la photo sortit de mon Polaroid avec une ribambelle de sourires de ceux qui avaient décroché la lune. Le lendemain matin, mamie revint du marché, l'air soucieuse. Il y avait plusieurs journalistes qui furetaient pour interviewer les heureux découvreurs de météorites. Comment ils ont pu savoir? Les Alfred ont contacté un musée et la nouvelle s'est répandue à vitesse grand V. Alors on va passer à la télé? Oh que non! Je n'ai pas du tout envie que des petits curieux viennent dans mon jardin après qu'on ait parlé de moi. Dehors, une sonnette retentit. C'était Arthur qui déboula dans la maison en sueur. Vous ne croirez jamais ce qui se passe au village! Pour ne pas faucher son enthousiasme, on l'écouta. Dès qu'il eut terminé, une voiture faisant plus de bruit qu'une armée de tondeuses s'arrêta dans la cour. « Pourvu que ça ne soit pas un de ces satanés journalistes !» Mamie alla ouvrir. Un petit homme rondouillard se présenta. Il ressemblait à une version adulte du chef des Roitelets qui aurait mal tourné. « Bonjour madame, à l'imposture, journaliste d'investigation chez Bouy FM TV. Un sacré miracle s'est produit dans votre bourgade. Mon petit doigt me dit qu'à l'instar de vos voisins, vous avez trouvé un sacré trésor dans votre jardin. Votre petit doigt est bien mal renseigné. En êtes-vous sûre? Certaine. Pourtant, au marché, je vous ai vu éviter soigneusement mes confrères. Je n'avais pas de temps à perdre. Mes petits-enfants sont chez moi. Oh, alors ce sont eux qui ont trouvé les pierres. Vous commencez à me courir sur le haricot, monsieur Posture. Bonne journée. Elle lui ferma la porte au nez. Comme sa voiture ne démarrait pas, elle sortit et le surprit à fureter près de la fenêtre. Elle saisit son balai. Le pauvre s'en prit quelques coups avant de démarrer en trombe. Victorieuse, Mamie lâcha son arme, se pinça l'arête du nez, souffla un grand coup, puis déclara « Cet épisode m'a donné une faim de loup. Ça vous dit un bon barbecue ?» Mamie nous offrit un festin de grillades. Lorsqu'elle rentra chercher le dessert, un cri strident résonna. On se rua tous à l'intérieur. La porte d'entrée était grande ouverte. Nos pierres envolées. Mamie tremblait d'effroi. On se précipita dehors. Une silhouette rondouillarde entièrement vêtue de noir s'enfuyait en direction de la forêt. Iliès veilla sur Mamie. Arthur et moi, on piqua le sprint de notre vie. En vain. L'ombre disparut à travers les arbres, en laissant toutefois derrière elle une trace qui ne faisait aucun doute. Ces empreintes, ce sont des adadas comme celles du chef des Roitelets. En nous voyant revenir bredouille, Mamie s'effondra. « Oh, c'est ma faute. Je savais que ces pierres allaient attirer les convoitises. Oh, j'aurais dû les cacher. »« Tu n'y es pour rien, Mamie. On sait qui a fait le coup et on va lui rendre une petite visite. Reposez-vous. » On se retrouva sur la promenade du bord de plage, devant la maison des Roitelets. On sonna une fois, deux fois, trois fois. Le chef, micro-casque sur la tête, nous ouvrit ses deux paupiètes derrière lui. On regarda ses pieds. Arthur ne s'était pas trompé. Alors, t'es content de ton coup ? Quel coup ? J'ai rien fait du tout. Ne nous prends pas pour des saucisses. On a la preuve que tu nous as volé nos pierres. Ah, j'avais raison. Vous avez bien trouvé les météorites. Alors, t'as vraiment rien fait ? Ben non, on était en train de jouer. Mais alors, à qui sont les empreintes d'Adadas ? Comme si j'étais le seul à porter ces chaussures. Les Roitelets gloussèrent de concert et la porte claqua. On a l'air malin. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Allons voir monsieur le maire. Il saura quoi faire. Visiblement, on n'était pas les seules victimes. Monsieur Duchemin se tenait sur les marches de la mairie, entouré d'une troupe de personnes mécontentes. Ce qui vous arrive est fâcheux. Je vais appeler la gendarmerie pour qu'ils viennent prendre vos plaintes et lancer une enquête. Je suis sûr qu'ils feront de leur mieux pour retrouver le ou les voleurs et vos météorites. Veuillez remplir cette feuille pour qu'ils puissent vous contacter. On rentra sans grand entrain. Et puis, d'un coup, on entendit une voiture qui faisait plus de bruit qu'une armée de tondeuses. C'était Alain Posture et il s'engageait dans un chemin à travers champs. Il va chez la vieille Raymonde. Lorsqu'on arriva près de la ferme, le voleur jouait son numéro. Cette fois, il n'était pas journaliste, mais scientifique à la recherche de pierres rares. « Ma foué, j'ai bien vu de drôles de pierres argentées ce matin, mais j'y ai pas touché. Si ça peut aider la science, elles sont à vous. Venez donc, je vais vous montrer. » Vu la taille des champs, ça risque de leur prendre du temps. Allons prévenir le maire. Et s'il part avant que les gendarmes n'arrivent, alors vous l'empêchez de s'enfuir et moi je vais prévenir tout le monde. Sans attendre notre réponse, Arthur disparut dans le champ. « Il en a de bonnes. Comment on va s'y prendre ?»« En dégonflant ses pneus. » »« Sauf... » que si on les dégonfle tous, il va se douter de quelque chose. On n'a qu'à en dégonfler un seul. Il croira qu'il a crevé et baf, il changera sa roue. Ce qui laissera le temps aux gendarmes d'arriver. Enfin, j'espère. Comme il n'y avait personne à l'horizon, on n'eut aucun mal à mettre notre plan en action. L'attente et le stress nous transformèrent en statues. Ce n'est qu'après 20 minutes interminables qu'Alain Posture réapparut, suivi de Raymonde. L'air satisfait, il déposa un sac de pierre dans le coffre de sa voiture avant de se rendre compte de notre méfait. Bon sang, ma roue est crevée. M'a l'air plutôt à plat. Il doit me rester un compresseur d'air dans mon hangar. Ce sera moins long que de changer une roue. Bougez pas. Il devait changer sa roue, pas la regonfler. Iliès devint blême. Moi, totalement sonné à l'idée de voir Alain Posture gagner. Raymond disparut dans son hangar. 5 longues minutes s'écoulèrent. Le bandit s'impatientait. Une voiture entra dans la cour. Posture sursauta, mais se détendit aussitôt en constatant qu'elle était tout à fait banale. 2 femmes et 3 hommes au visage souriant en descendirent. Le voleur sortit son plus beau sourire et alla à leur rencontre. « Raymond est dans son hangar. »« C'est pas elle que nous cherchons. » Clac ! Des menottes se refermèrent sur les poignets d'Alain Posture. Grâce à notre photo, on put récupérer toutes nos météorites. Tout le monde n'avait pas eu le même réflexe. Certains durent attendre un moment avant de les retrouver. Peu de temps après, un expert est venu examiner nos pierres. Elles ne venaient pas de Mars, mais la somme gagnée nous permit d'offrir à mamie un poulailler XXL dernière génération et à Arthur, Iliès et moi de ne plus avoir de soucis d'argent de poche jusqu'à la fin de l'été. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.